les valeurs chrétiennes. Et qu'on ne retrouvera pas dans des sociétés où le christianisme n'a pas eu une influence. C'est pourquoi, je ne me souviens plus de son nom, là, tant que le missionnaire est venu là, pour nous parler de l'islam, hein, puis qu'il nous parlait que les valeurs sont différentes. Ces valeurs-là à laquelle nous sommes attachés, de la primauté de l'être humain, hein, c'est une valeur chrétienne. C'est le fait que Dieu, en Jésus-Christ, nous a aimés. C'est le fait que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Hein? Donc, c'est le christianisme qui donne une valeur à l'être humain. L'être humain a assez de valeur qu'il mérite d'être sauvé, d'être secouru. En fait, c'est ça que Jean Guilbault découvre. C'est ainsi que, peu à peu, je me suis mis à redécouvrir le christianisme, à m'y intéresser juste au point d'y adhérer. Hein? Intéressant. Le journaliste, ou la journaliste, parce que c'est une femme qui l'interrogeait. La journaliste va donc lui poser une autre question. Au Québec, nous vivons actuellement un choc culturel provoqué par la présence grandissante des communautés immigrantes. Toutefois, cette crise identitaire a été l'occasion pour plusieurs de dire leur attachement aux valeurs chrétiennes. Oh, on a entendu ça lors de la commission Bouchard-Terreux. Les gens sont attachés à leurs valeurs chrétiennes. Ils vont plus à l'Église. Seulement, et là, la journaliste dit seulement, ces valeurs sont inquiètes et confuses alors que vous insistez justement sur l'importance dans le contexte actuel de la mondialisation et du multiculturalisme d'avoir des croyances qui sont claires et fortes. Parce que les gens parlent justement de valeurs chrétiennes, mais si tu leur poses la question, mais c'est quoi les valeurs chrétiennes? Les gens vont être en perte de vitesse de répondre, c'est quoi les valeurs chrétiennes, auxquelles ils sont tellement si attachés. Alors, Guilbault répond, nous croyons comme ça que le christianisme est en train de disparaître alors qu'il triomphe. Mais les valeurs qu'il portait sont partout. Elles appartiennent maintenant à tout le monde. Seulement, elles n'ont plus la même étiquette. Le christianisme en a fait don au monde et elles sont devenues des valeurs laïques. Les chrétiens ne vont pas réclamer le copyright. L'essentiel, c'est qu'elles existent. Malgré cela, je crois qu'en cette période de mutation que nous vivons, hein? Donc on n'est pas en train de prêcher en l'air. Hein? D'accord? On n'est pas en train de se spiritualiser. Ce que j'apporte ce matin, c'est du terre à terre, dans notre contexte de société dans lequel nous vivons. Hein? C'est pour ça que je vais faire le lien entre le sens de Noël, le sens qu'on donne à l'avant. On va faire le lien aussi avec la lecture qu'on a faite dans Luc. Mais c'est dans le cadre de test que nous vivons comme société québécoise. Hein? On va être confronté à ça durant le temps des fêtes. On rencontre des gens, des soupers de famille, des soupers de bureau. Les gens vont fêter, puis ils ne savent pas pourquoi ils fêtent. Et puis, il y en a qui vont parler de valeurs. Hein? Est-ce qu'on va savoir comment ramener le discours pour leur faire voir que ces valeurs chrétiennes sont des valeurs chrétiennes. C'est des valeurs qui sont à la base même, du message évangélique. Alors, il dit, l'essentiel, c'est qu'elles existent. Malgré cela, je crois qu'en cette période de mutation que nous vivons, ces valeurs sont menacées. Je posais la question, pourquoi pensez-vous que ces valeurs-là sont menacées? Sinon, je pense qu'on perd de vue la source de ces valeurs-là. Voilà. C'est plus associé à la foi. En fait, on risque de les perdre, ces valeurs-là. Il y a un glissement. Hein? Il y a un glissement. En fait, Guilbeault nous met en garde en disant, je crois qu'en cette période de mutation que nous vivons, ces valeurs sont menacées, que la liberté est menacée, que l'égalité est menacée. Et je crois que si nous voulons les défendre, nous avons le devoir de bien les connaître. De savoir d'où elles viennent et de les vivre de façon pleine et consciente. Les chrétiens ont une responsabilité toute spéciale à cet égard. Les chrétiens ont une responsabilité toute spéciale à cet égard. Pas c'est nous. Hein? Je ne parle pas juste de nous ce matin, ici. Hein? Mais tous ceux qui se proclament être chrétiens, d'être disciples de Jésus, nous sommes les porteurs, hein? Les porteurs de cette source, la source de ces valeurs-là. Donc, on a une responsabilité importante à pouvoir dire aux gens d'où viennent ces valeurs-là, puis comment que elles sont importantes pour le développement de notre société. Il y a quelque temps, le Devoir publiait un article intitulé « Des valeurs revues et corrigées », parce qu'on parle de valeurs. Valeurs humaines. Stéphane Laporte parle de valeurs humaines. Jean Guilbeault parle de valeurs chrétiennes, laïcisées, qui deviennent valeurs humaines. En fait, le devoir, donc, dans la rubrique, je pense que ça s'appelle Éthique et religion. Il y a toujours une rubrique Éthique et religion avec des articles qui ont rapport à. Donc, à la religion. Donc, il y avait donc cet article des valeurs revues et corrigées. En se détachant de l'influence de la religion catholique, au cours des dernières décennies, les Québécois ont-ils jeté aux orties toute une série de valeurs auxquelles on l'associait, que ce soit la bonté, l'honnêteté, la générosité ou l'amour de son prochain? Hein? Donc, l'article pose cette question. Est-ce qu'on a jeté avec. On parle souvent de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ben oui, les gens ont jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est sûr. Hein? Déjà. Mais est-ce qu'on a aussi jeté ces valeurs-là, ces valeurs chrétiennes? Guilbeault va dire non. Et l'auteur, voyons ce que l'auteur dit ici. Hein? Donc, ces valeurs auxquelles on a associé. La société québécoise religieuse d'antan, hein? Honnêteté, générosité, amour de son prochain. Une majorité semble le croire, selon ce que montrent les résultats d'un sondage léger marketing, Le Devoir. Or, cette impression voulant que c'était bien mieux dans le bon vieux temps est rejetée par la plupart des experts consultés aujourd'hui. Les experts, donc sociologues, etc., ne sont pas d'accord avec la pensée générale que les jeunes ont jeté aux orties, aux poubelles, les valeurs d'autrefois. Mieux, les jeunes générations seraient animées de valeurs aussi fortes que leurs aïeuls. Elle les vivrait simplement de façon différente. Intéressant. Et là, l'article continue en démontrant comment que beaucoup de jeunes qui s'impliquent, soit au niveau de différentes organisations internationales d'aide humanitaire, il y a une conscience chez les jeunes d'entraide. On parle de l'environnement, hein, les jeunes plus conscientisés par rapport à sauver la planète. Et puis, donc tout ça, tu leur fais dire que les jeunes n'ont pas jeté aux orties les valeurs, mais qu'elles vont les vivre de façon différente. Quand on revient à la question de Stéphane Laporte, quel sens donnons-nous à nos actions du temps des fêtes? Et c'est pourquoi, de samedi, et moi, entre autres, avons pensé que c'était bon de souligner cette période de l'Avent, d'avoir ce temps où on se prépare, on réfléchit, puis on ne se laisse pas aller comme le flot de la société, parce que on fête, puis on ne sait pas pourquoi qu'on fête. Et qu'on devienne, par le fait même, des agents, des personnes qui vont aider d'autres à réfléchir sur le sens de Noël. Je pense par-dessus une histoire que je vais vous raconter parce que le temps passe vite. Ou peut-être que je vais raconter l'histoire puis en rester là. Ah, parce que déjà, ça fait quasiment une demi-heure que je parle. Je pense que c'est une belle histoire. L'histoire c'est un père, une famille indienne, une histoire vraie. Donc, ils ont une petite fille unique de 8 ans, qui s'appelle Sindhu. À un moment donné, le père raconte, que je vais raconter l'histoire. Le père raconte qu'un jour, alors que petite fille est assise à la table, il y a un plat indien qui s'appelle curd rice, hein, c'est du riz servi avec du yogourt ou du lait caillé. Et puis, ce n'est pas tous les enfants qui aiment ça. Hein. C'est un peu comme souvent les petits-enfants n'aiment pas le brocoli, je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'aime ça. Hein. Je sais, tout le temps que j'étais jeune, je n'aimais pas les oignons. Et j'enlevais des oignons un à un dans la soupe. Hein? Plus qu'une fois, j'ai passé sous la table parce que mon père, hein, si tu n'as pas des oignons, hein, et puis, ah non, je n'aimais pas les oignons. Elle, cette petite fille-là, n'aimait pas donc le curd rice, le riz caillé, hein, au lait caillé. Et puis à un moment donné, donc, là, la maman et la grand-mère, insistait pour la petite fille, mange ce plat parce que c'est bon pour la santé, etc. Alors, la maman demande au père d'utiliser de son autorité paternelle pour obliger la petite fille de manger son plat. En fait, la petite fille, le père donc s'approche de la petite fille et dit, écoute, même si ce n'est pas populaire à maman, pour me faire plaisir, parce qu'il, hein, y avait une bonne communion avec sa petite fille unique, pour faire plaisir à papa, mange-le, veux-tu? Prends juste quelques bouchées pour faire plaisir à ta mère. Juste quelques bouchées. En fait, la petite fille dit, pas, tu sais, j'aime pas ça. Puis, il y a une espèce d'obstination. Et là, le père insiste pour que la petite fille mange le plat. Alors, la petite fille dit, d'accord. Mais je vais faire plus que simplement prendre quelques bouchées, je vais tout manger le plat. Si tu me promets, fais-moi la promesse de me faire une faveur. Je vais te demander une faveur, puis fais-moi la promesse que tu vas m'accorder cette faveur. Le père, tout bonnement, d'accord, donne la main à sa fille. OK. En fait, la fille dit, ben voilà, mais c'est pas juste toi, je veux aussi que maman fasse la promesse. Ça fait qu'il y avait un petit peu de coaching. Et la mère promet aussi, donne la main, OK, c'est promis, je vais t'accorder la faveur que tu demandes. Mais là, les parents ne savent pas encore, c'est quoi la faveur. Là, la petite fille mange tout le plat, puis, hein, avec. Beaucoup de réticence, mais elle finit son plat. Puis finalement, après avoir terminé le plat, là, les parents attendaient voir ça. Hein, que serait la fameuse faveur? En fait, le père avertit la jeune fille de dire, écoute, là, Demande pas rien de trop dispendieux, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, puis on ne peut pas t'acheter un nouvel ordinateur, là, tu sais. Fait, sois modeste dans tes demandes. La petite fille dit, non, non, ça ne coûte rien, pas. Ça ne coûte rien. Fait, elle dit, ce que je veux, c'est que je vais me faire raser la tête au complet. Raser les cheveux. Ah, la mère, il n'y en a pas question. Tu as une belle chevelure, puis on n'est pas pour te laisser te raser la tête. Puis le père dit, ben, écoute, tu n'as pas d'autre chose. Tu pourrais demander à la place de ça. Là. Tu vois, ça déplaît à ta mère, à ta grand-mère, puis hein, dans leur contexte indien, hein, de leur culture, c'était quelque chose de qui ne se faisait pas. Et puis, mais la petite fille insiste, elle dit non, non, pas, c'est ça que je veux, tu l'as promis, tu as fait une promesse. Puis, en fait, là, le père dit à la mère, bien, il va falloir lui accorder sa faveur, on a promis. Puis, la mère dit non, non, non, il n'y en a pas question. Puis, la grand-mère s'en mêle, fulmine. Puis, finalement, le père dit, écoute, si on ne tient pas notre promesse, elle n'apprendra pas, elle, à tenir parole plus tard. Après tout, hein, ça ne coûte rien, là. Ça repousse les cheveux. Alors, accordons-lui cette promesse, cette faveur qu'elle demande. Alors, le dimanche soir, donc, la petite fille se fait raser les cheveux, hein, le crâne chauve. Et le lundi matin, le père va conduire sa petite fille à l'école, comme d'habitude, il va la conduire. Et là, il mentionne comment hein, l'effet drôle, ça lui fait de voir sa petite fille, tête chauve, rentrer à l'école. Puis au moment où hein, il envoie la main à sa petite fille, la petite fille, Sindhu, se retourne de bord, puis elle fait un signe de main. Alors, il y a un petit garçon qui sort d'une auto, puis qui crie, Sindhu, attends-moi, attends-moi! Puis il court puis, hein, pour marcher avec la petite fille. Et là, le père s'aperçoit que le garçon aussi a la tête chauve. Alors, le père dit, tiens, peut-être que Sindhu m'a demandé cette faveur-là parce que c'est un truc à la mode. Hein? C'est devenu in d'avoir la tête rasée. Fait que, et là, il entend une dame qui l'interpelle et puis qui lui dit, Monsieur, votre fille Sindhu est vraiment remarquable. Alors la femme sort de l'auto, elle s'approche de l'homme et lui dit, ce garçon qui marche avec votre petite fille, c'est mon fils Harish. Ça fait un mois qu'il ne fréquente pas l'école parce qu'il est atteint de la leucémie. Et suite à un traitement de chimiothérapie, il a perdu tous ses cheveux. Et votre petite fille est venue le visiter la semaine dernière à la maison. Mon fils, Harish, ne voulait pas revenir à l'école parce qu'il avait peur que ses copains, ses camarades de classe, se moquent de lui parce qu'il avait la tête rasée. Et votre petite fille, là, celle de la visite, elle lui a dit, ne t'inquiète pas, je te fais une promesse, je vais arranger ça. D'où sa demande de se faire raser la tête, afin que le petit Harish ne soit pas seul, mais qu'elle aussi, elle l'accompagne dans en somme, les séquelles de sa maladie. Alors, la dame dit, « Monsieur, vous et votre femme êtes bénis d'avoir une fille avec une âme si noble. » Et le père dit qu'il est resté abasourdi, et il termine en disant, « Mon petit ange, veux-tu m'enseigner c'est quoi l'amour? » J'aimais cette histoire-là parce qu'il y a un lien avec Noël, avec la promesse de Noël. Le récit qu'on a lu ce matin, de Zacharie, est porteur de l'accomplissement de la promesse. Pas une, mais plusieurs promesses. C'est ça qu'on a pu faire ressortir du texte. C'est un texte préparatoire. D'ailleurs, Luc est le seul à mettre dans son contexte historique et prophétique la naissance de Jésus, en montrant comment que Jean-Baptiste est venu en accomplissement d'une prophétie de Malachie, où est-ce que Dieu déjà avait promis, hein, Malachie est le dernier des prophètes, en fait, dans les livres reconnus comme étant faisant partie du canon de l'Ancien Testament, de Malachie à la naissance de Jésus, il y a 400 ans de silence. Mais l'Ancien Testament se termine avec une prophétie que Jésus va venir, que Dieu va envoyer un précurseur à Jésus. Et c'est ce que Luc nous raconte dans le chapitre 1, versets 5 à 25, le début de l'accomplissement de la promesse. Ce que j'aimais de cette histoire de Sindhu et Harish, c'est que Sindhu avait trouvé le moyen non seulement de se rendre solidaire à son jeune ami, mais avait trouvé aussi le moyen de guérir, hein, pour ainsi dire. Elle avait trouvé, par la même occasion, le moyen de régler le problème de la raillerie, de la moquerie, ce que l'enfant craignait. Et n'est-ce pas ce que, dans l'accomplissement de la venue d'un Messie, c'est aussi ce que Dieu fait. On va avoir l'occasion d'en reparler avec, hein, l'incarnation, que Dieu trouve le moyen de se... En Jésus, Dieu trouve le moyen de se solidariser avec. Et en même temps, régler le problème du péché. Régler le problème de la séparation d'avec Dieu. Et de mettre en œuvre, hein, une réhabilitation du projet que Dieu a. D'un homme, Abraham, d'une famille, d'un peuple et d'un peuple spirituel maintenant, par lequel Dieu veut agir. Un verset que j'aurais souligné dans le récit, c'est lorsque l'ange parle à Zacharie de la mission de Jean, la mission qu'il aura. Et qu'il dira, il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Hein? Citation de Malachie 4, 5 et 6. Pour réconcilier les pères et avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former aussi un peuple prêt pour le Seigneur. Un peuple prêt pour incarner le projet de Dieu. C'est toujours le même désir de Dieu. Ça n'a jamais changé. D'avoir un peuple qui va incarner dans la société dans laquelle nous vivons les valeurs chrétiennes, que Stéphane Laporte appelle valeur humaine, mais qui sont valeurs chrétiennes, de justice, de paix, d'amour, d'honnêteté. Nous sommes le terreau dans lequel Dieu veut faire pousser ses plantes de valeurs humaines et chrétiennes. Voilà. Faites-le. En ouverture, l'ange Gabriel va dire à Zacharie, Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ta prière. Je dirais ce matin, Dieu entend notre prière. Et tu nous as enseigné à dire, hein, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu entend notre prière. En fait, c'est le contexte de Noël dans lequel nous sommes. Ce n'est pas juste Jésus, l'enfant. C'est tout ce qui entoure le projet de Dieu. De se solidariser avec nous, de régler le problème et de faire de nous des gens en retour qui font la même chose que lui a fait et qui s'intègrent.